pleure d'amour. Tu as fait tant de peine, laissé tant de regrets, tant de cœurs qui battaient pour toi ont tant pleuré quand tu les as quittés. Il faut que tu apprennes à ton tour ce que c'est que de tendre les bras à l'amour qui s'en va loin de toi. Pleure, pleure, pleure, pleure à ton tour d'amour. Pleure, pleure, pleure, pleure aujourd'hui. Pleure, pleure, pleure, pleure ton amour fini. Pleure, pleure, pleure, pleure à ton tour. Oui, pleure d'amour. Tu vivais sans tendresse et tu n'as rien donné à tous ceux qui t'aimaient, que beaucoup de tristesse et combien de regrets. Et voilà que tu aimes la première fois. Et voilà que tu aimes et qu'on ne t'aime pas. Souviens-toi, pleure, pleure, pleure, pleure à ton tour d'amour. Pleure, pleure, pleure, pleure aujourd'hui. Pleure.